ton visage. Pourtant, ni ta ville, ni ton pays. Je suppose ton image dedans. Je connais pas ton odeur, pourtant. Ni ta maison, ni ton jardin. Je te chante déjà peu que dedans. Dans ma tête, comme un refrain. C'est l'heure de marcher avec toi. Thank you.